De l'abbé Maurice Barthélemy Bélière à Mère Marie de Gonzague. Extrait de sa lettre du 21 juillet 1897. L'abbé Bélière a reçu la photographie, dite aux images de Thérèse, référence C43. Photographie prise par Céline, date 7 juin 1897, en trois poses, dans la cour de la sacristie. Les images que Thérèse tient résument son nom, l'enfant Jésus et la sainte face, provenant de son bréviaire. Ceci est la troisième pose que Thérèse enverra à Bélière. Langrune, 21 juillet 1897. Ma bien bonne et bien chère mère, attendez-vous, mère, mon sentiment d'après cette photographie, je vous dirai seulement qu'il est tout conforme à l'idée que j'ai de ma sœur. Dans le détail, je devais me tromper en animant les chères lettres de ma sœur, mais, dans l'ensemble, j'avais estimé exactement. Le premier trait qui m'a frappé est celui de la candeur et de la simplicité que reflète tout le visage de la sainte, saluant bien avec la flamme d'intelligence qui brille dans ses yeux et aussi qu'elle a l'air de santé, qui pourrait croire à sa vue que la mort est toute prête à nous la ravir. Nous avons gagné quelque chose, c'est-à-dire plutôt que Dieu a pris, en pitié, notre peine, puisqu'il nous la laisse encore quelque temps. En recevant cette dernière lettre, je me suis repris à espérer, il m'a semblé que cette congestion devait l'emporter tout d'un coup, mais que, puisqu'elle vit encore, elle pourra peut-être nous rester même avec un poumon atrophié, ou même épuisé, si l'autre demeure valide. Quelle combinaison n'enfante pas l'espérance et l'affection. Marc M. Dan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.